Pour tous vos travaux de construction et de rénovation, faites appel aux professionnels compétents qualifiés Calibat. Les 56 000 artisans et entreprises Calibat ont été évalués et distingués par des professionnels du secteur et vous garantissent des travaux de qualité pour tout type de travaux. Menuiserie, maçonnerie, isolation, couverture, façade, étanchéité, chauffage, énergie renouvelable, il y a forcément un professionnel Calibat près de chez vous. Pour des travaux en toute confiance, exigez le certificat de qualification Calibat. Rendez-vous sur calibat.com. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le parcours sanglant de Francis Holm. Lorsqu'en janvier 1992, le gendarme Jean-François Abgral passe les menottes au poignet de cet individu, il pense en avoir enfin terminé avec une enquête de plus de 2 ans. L'homme qu'il tient est son suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de Aline Pérez, une aide-soignante retrouvée morte, sauvagement assassinée sur une plage, près de Brest. Mais alors que l'enquête qui le mobilise depuis mai 89 touche à sa fin, Jean-François Abgral a une intuition. Aline Pérez n'est pas la seule victime de Francis Holm. Alors, durant plusieurs mois, pugnace, le gendarme va se plonger dans le parcours sinueux de ce vagabond qui sillonne la France depuis plus de 7 ans. Et il découvre très vite que partout où il passe, Francis Holm laisse derrière lui de nombreuses traces et sans doute de nombreux meurtres, dont celui de 2 enfants à Montigny-les-Metz, pour lesquels le jeune Patrick Dils avait été accusé à tort, victime de ce qu'on peut appeler en l'espèce une horreur judiciaire. Notre invité aujourd'hui, Michel Marie, journaliste et grand spécialiste français des faits divers. Il est avec nous en studio pour la seconde partie de l'émission. Il a couvert l'affaire Francis Holm pour Détective. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Gaspard Vallu, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Je la connais la plage, hein. J'y suis allé. Mais la veille, le 13, j'avais pris des médicaments. En plus, j'avais bu. Alors là, j'ai eu mon rêve. J'ai vu un homme qui poignardait une femme avec un couteau. Mais j'ai juste rêvé. Mardi 7 janvier 1992, l'adjudant de gendarmerie rennais, Jean-François Abgral, a pris place dans la voiture de ses collègues de l'Est de la France. Ce jour-là, il est en Alsace, à des centaines de kilomètres de la Bretagne, où il travaille et vit. Après une dizaine de minutes de route depuis Strasbourg, la voiture bleue de gendarmerie passe devant le panneau indiquant l'entrée de la commune de Buschwiller. Jean-François Abgral sait que ce moment-là est un moment important. Il enquête sur le meurtre d'Aline Pérez, une aide-soignante retrouvée morte, assassinée sur une plage près de Brest en mai 89. Après 2 ans à courir derrière son suspect numéro 1, Abgral en est sûr, le dénouement est proche. L'homme qu'il s'apprête à arrêter s'appelle Francis Holm. C'est un sans-domicile fixe, un vagabond de 33 ans. Il est grand, porte de grosses lunettes au verre légèrement fumé posé sur un visage émacié et un menton en galoche. Ses lèvres fines, constamment rentrées dans sa bouche, lui donnent presque un air de vieillard. Jean-François Abgral connaît parfaitement ce visage. Il croit d'ailleurs tout connaître du personnage. Il l'a rencontré 2 fois. 2 interrogatoires durant lesquels le gendarme s'est forgé une intime conviction. Francis Holm est bien le meurtrier qu'il recherche. D'ailleurs, le vagabond le lui a fait comprendre, ou à sa manière. Comme le raconte lui-même Jean-François Abgral en 2004, dans un numéro de Faites entrer l'accusé consacré au parcours criminel de Francis Holm. Notre conversation était finalement assez courte, puisqu'il a vu que je n'avais pas d'éléments nouveaux pour le confondre. Et donc il s'est amusé de me voir empêtré dans mon enquête. Donc finalement, moi j'ai une audition très, très limite. Et avant de partir, il m'a glissé une petite phrase qui m'a bien choqué, c'est-à-dire qu'il m'a dit « Je sais que tu sais ». Oui, mais cette fois, la donne a changé. Au terme d'une enquête fastidieuse, Jean-François Abgral a enfin en sa possession l'élément clé pour confondre Francis Holm, un témoin oculaire. Le gendarme commence alors une nouvelle partie de son travail et s'enferme en salle d'interrogatoire avec son suspect pendant de longues heures, durant lesquelles il va peu à peu se plonger dans la vie de celui qui s'avère être un routard du crime. fait la route, hein, on a forcément un pépin un jour ou l'autre. Tout ce que je sais, moi, c'est dès que je vais quelque part, mais il y a quelqu'un qui fait une connerie. Francis Hall naît le 25 février 1959 à Metz, en Moselle. Et il est le fils de Marcel et Nicole. Avec sa petite sœur Christine, il vit une enfance difficile. Son père, modeste électricien, est un alcoolique violent qui s'en prend aussi bien à sa femme qu'à son fils. Ce n'est qu'auprès de sa mère que le garçon physique déjà particulier semble trouver du réconfort. Pour lui, elle est une sainte. Mais Nicole Holm, qui travaille alors comme femme de ménage, est dépressive et alcoolique, elle aussi. Elle est une mère aimante, mais très souvent absente. Les deux enfants sont donc livrés à eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller comme ils peuvent pour manger. Et quand ce ne sont pas les voisins qui leur apportent le dîner, Francis descend à la supérette acheter des boîtes de pâté pour chat. Une curieuse habitude qui le suit partout. À tel point qu'il se fait parfois appeler Félix, comme Félix le chat. La scolarité du jeune homme est chaotique. Il se retrouve vite inscrit dans un établissement spécialisé pour élèves difficiles où il suit un CAP pour devenir électricien. Mais là encore, Francis Hall ne trouve pas sa place. D'ailleurs, il est souvent absent en raison de ses passages répétés en hôpital psychiatrique. Ses seuls moments de répit sont ses sorties à vélo avec le groupe de cyclistes qu'il rejoint à l'adolescence. Il quitte l'école, puis il commence à travailler pour une entreprise de travaux publics située près de chez ses parents. Encore une fois, il laisse une impression étrange à ses collègues. Il est perturbé, tout le monde le voit, comme son ancien patron et sa femme. Bah, il se coupait la joue, il se taillait les bras ou il se griffait avec une fourchette. Un jour même, il s'est attaché le poignet avec un fil de fer à serrer avec une tenaille. Et c'est une infirmière qui lui a enlevé le fil de fer, autrement il aurait perdu sa main. Je lui disais toujours, pour que tu t'as fait du mal, là, que tu t'es coupé, parce que bien souvent il se taillait les poignets. Hein. Alors je disais, oh, c'est parce que ça n'allait pas, mais jamais il nous a donné d'explication, jamais. Le fragile équilibre de Francis Hall tombe en ruine le 16 octobre 1984, quand sa mère meurt des suites d'un cancer. Pour lui, le choc est terrible. Elle était jusque-là son seul et unique repère, la sainte, qui pense-t-il alors le protéger. Lors de l'enterrement, Holm se jette sur le cercueil déjà plongé dans la fosse. La famille Holm s'écroule. Marcel est déjà parti de l'appartement familial pour s'installer avec sa nouvelle compagne. Christine, la sœur de Francis, s'installe, elle, chez son fiancé. Si bien que, du jour au lendemain, Holm se retrouve seul, sans filet, livré à son alcoolisme et à ses pulsions violentes. Pour la mort de ma mère, 84, c'était foutu. Je me suis dit, je vais en liquider. Tant que ma mère était en vie, je me suis retenu, mais... Trois semaines plus tard, le 5 novembre 1984, il quitte le travail en compagnie de son collègue Joseph Molins. Les deux décident d'aller boire quelques verres dans un bar du coin. Mais la soirée se prolonge et les deux hommes s'enivrent au pastis et à la bière. Vers 22h, Francis Holm monte dans la voiture de son collègue. Quelques minutes plus tard, alors qu'il roule dans une rue à Pont-à-Mousson, il tombe sur Lionel Gineste, une jeune femme de 17 ans qui fait du stop sur un rond-point. Elle cherche à rentrer chez elle, à Limay, un village situé à quelques kilomètres de là. Les deux hommes proposent de la déposer. Très bien, sans se poser de questions, la jeune femme monte à bord. La voiture s'engage alors sur la D950 et prend la direction de l'ouest. Mais après quelques minutes, le conducteur tourne subitement à gauche et s'enfonce dans un chemin qui mène à la forêt de Puvenel. Lionel Gineste prend peur, mais elle a beau crier, ici, personne ne peut l'entendre. Joseph Molins arrête sa voiture en lisière du bois. Il tire la jeune femme de l'habitacle et la viole. Francis Holm est toujours assis sur le siège passager. Il observe la scène. D'ailleurs, il s'est mis d'accord avec son collègue. Il ne peut pas la violer, mais en revanche, il veut la tuer. Lorsque Joseph Molins lui fait signe, il sort de la voiture, plonge une main dans sa poche et sort un opinel. Pendant que son complice serre la gorge de Lionel avec une ficelle, Francis Holm tente plusieurs fois de l'égorger avant de lui trancher la carotide. Le corps sans vie de la jeune femme est découvert le lendemain, abandonné sur le petit chemin forestier. Ce passage à l'acte, quelques semaines après la mort de sa mère, marque un basculement pour Francis Holm. Il a perdu son travail et, au bout du compte, une partie de sa vie. Une descente aux enfers que sa sœur raconte. Je faisais des crédits chez un petit épicier. Le loyer n'était jamais payé, donc le propriétaire, c'est tout à fait normal. Hein. Bah, mon frère a fini dans la rue, et puis il a fait armée du salut, et puis il a fait sa route. Puis il a fini, on va dire, vagabond. Holm erre de foyer Emmaüs sans gare SNCF. Il passe aussi du temps dans les hôpitaux où il enchaîne les cures de désintoxication à l'alcool. Le 29 décembre 1986, il est hospitalisé près de Metz. Ce soir-là, il décide avec deux autres patients de s'échapper pour aller boire. À 5h du matin, au terme d'une nuit de beuverie, les trois hommes tombent nez à nez avec Annick Morris, une caissière de 26 ans en route pour le travail. Il l'enlève et il la tue. Le 22 juin 1987, Francis Holm arpente une rue de Charleville-Mézières lorsqu'il décide d'entrer dans une maison pour tenter de la cambrioler. Il est surpris par les deux occupantes qui tentent de le faire fuir, Georgette Manès et Ghislaine Ponsard, 86 et 61 ans, sont tués de dizaines de coups de couteau. Holm quitte ensuite la région. Il part pour un road trip à travers la France. Il fait du stop, prend des trains, toujours sans billets. Il effectue également des séjours en cure de désintoxication en hôpital psychiatrique ou en établissement spécialisé. On retrouve sa trace dans le sud-ouest, dans le nord ou encore en Bretagne. Au début du mois d'avril 89, il se trouve aux abords du golfe de Saint-Tropez. Il est précisément à Port-Grimaud. Les touristes sont encore peu nombreux, mais des vacanciers occupent déjà les quelques campings ouverts du bord de mer. Le 5 avril... il est en compagnie d'un homme rencontré quelques heures plus tôt, lorsqu'il croise le regard de Joris Viville. Le jeune garçon belge de 9 ans est en vacances avec ses parents dans un camping de la ville. Francis Holm lui pose une question, mais Joris, qui ne parle pas français, lui répond en flamand. Énervé par cette réponse qu'il ne comprend pas, Holm frappe l'enfant et l'embarque de force dans le véhicule. Les recherches pour retrouver Joris Viville, un enfant de 10 ans disparu mercredi à Grimaud, n'ont rien donné aujourd'hui encore. Le point sur les recherches avec André Grandis et Michel Partage. Joris, 10 ans, et ses parents viennent depuis 5 ans au camping des Prairies de la Mer à Port-Grimaud. Le père a accepté de nous parler des circonstances de la disparition de Joris. Il avait l'habitude de sortir sans dire où il allait Non, pas du tout. Quand il allait quelque part, il était toujours, papa ou maman, je vais là. Et quand il partait, c'était quand même après un quart d'heure, 20 minutes, il était de retour. Oui, il parle français Pas du tout. Quelques mots, oui et non, et c'est tout. Des bords de mer au canot de Port-Grimaud, les recherches s'effectuent de l'aube à la nuit tombée. Le corps de Joris Viville est retrouvé le 22 avril à une vingtaine de kilomètres du camping où il a été enlevé. Le meurtre du petit garçon choque par sa violence. D'abord parce que c'est un infanticide, la transgression. Et puis le médecin légiste qui autopsie la dépouille rend son rapport. Joris Viville a été étranglé avant d'être transpercé de plus de 80 coups de tournevis. Aujourd'hui, itinéraire d'un tueur, Francis Holm. France Inter. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais Francis Holm, j'ai un problème. J'ai rêvé que vous allez être poignardé. Tu pues l'alcool ! Foule-toi, je crie ! Foule-toi, je crie ! Affaire sensible. Francis Holm ne s'attarde pas dans le sud-est. Au début du mois de mai 89, moins de deux semaines après le meurtre de Joris Vivil, il est en Bretagne, hospitalisé à Quimper après un malaise cardiaque. Mais il s'échappe régulièrement de l'établissement, parfois durant plusieurs jours. Il a pris ses habitudes dans une communauté Emmaüs au Relecq-Kervon, près de Brest. Le 14 mai, il est avec celui qu'on surnomme le Gaulois, un autre sans domicile fixe qui a fait étape dans le foyer. Les deux hommes boivent des bières sur des rochers, près de la route, en surplomb de la plage. Il est à peu près 17 heures, quand il remarque une femme allongée sur une serviette profitant d'un bain de soleil printanier. C'est Aline Pérez. À 17h05, elle se rallonge après avoir échangé quelques mots avec un promeneur. Holm descend sur la plage, il l'agresse et tue sauvagement l'aide-soignante de 49 ans. Son corps est retrouvé moins d'une heure plus tard. L'enquête est confiée à la section recherche de la gendarmerie de Rennes. Dès son arrivée sur la plage du Relecq-Kervon, l'adjudant Jean-François Amgral constate la violence du crime, comme il le raconte dans son livre intitulé « Dans la tête du tueur ». Rapidement, j'examine le corps. C'est une petite femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux courts. Elle gît sur le dos, les jambes droites et les bras alignés. Des gravillons sont collés sur sa joue droite. Elle ne porte qu'un slip de bain. Je suis frappé par l'aspect effrayant de sa blessure à la gorge, pourtant très peu ensanglantée. Le cou a été tranché du milieu jusqu'à l'arrière de l'oreille gauche. Une plaie propre, nette et précise. D'autres coups de couteau apparaissent au niveau du sternum et à la base des reins. La soudaineté et la brutalité de l'agression sont hors normes. Aucun motif ne semble justifier le meurtre d'Aline Pérez, une mère de famille sans histoire. Ses affaires sont toujours présentes sur la plage et aucune trace d'agression sexuelle n'est constatée. Grâce à un témoin, Jean-François Amgral apprend que les deux hommes étaient présents sur les rochers en contre-haut de la plage. À leur apparence, on jurerait qu'il s'agit de sans domicile fixe. Le gendarme se rend alors dans le centre d'hébergement Emmaüs, qui se trouve à une centaine de mètres de là. Mais lorsqu'il arrive sur place, il ne trouve personne. Oh, rien d'étonnant, selon les volontaires du centre, qui expliquent que les SDF redoutent toujours les confrontations avec la gendarmerie. Et Jean-François Amgral ne repart pas les mains vides. Il a en sa possession la liste de tous ceux qui sont passés par là les jours précédents. Il la diffuse dans tous les commissariats et gendarmeries de France. Il ne reste plus qu'à attendre. Un mois et demi plus tard, il reçoit un coup de téléphone d'une gendarmerie de la Manche. Ses collègues viennent de contrôler un sans domicile fixe dans un train. Il s'appelle Francis Holm et son nom se trouve bien sur sa liste. Dans le documentaire de 13h15 le dimanche, Francis Holm, l'insaisissable, Jean-François Amgral raconte sa première rencontre avec celui qu'on appellera très vite le routard du crime. Alors on s'installe et je lui explique qu'il va être retenu, que j'ai besoin de savoir des choses sur son itinéraire, sur son emploi du temps. Et à peine on a commencé à s'installer, qu'il me dit qu'il est sur la route depuis la mort de sa mère, qu'il a vécu des choses qui l'ont traumatisé, notamment son service militaire, au cours duquel il a appris à tuer une sentinelle. Je ne vous cache pas qu'avec mon coéquipier, on est un peu surpris parce qu'on se demande ce que c'est que ce personnage, sachant qu'il vous parle avec une intensité... extrêmement forte, il vous fixe du regard et il vous quitte pas des yeux. Il distribue ses mots, il attend de voir ce que ça fait. C'est un sentiment un peu étrange. Finalement, il me décrit la façon dont il a appris, soi-disant, à tuer une sentinelle. Et en trois gestes, il me décrit exactement ce qui est arrivé à Aline Pérez. Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'armée et c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans des scènes d'action criminelle. Il ne s'arrête pas, il me dit qu'il avait des rêves de crime. À tel point qu'il est obligé d'aller se laver les mains pour effacer le sang virtuel qu'il a sur les mains. Donc c'est très dérangeant. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir à quelqu'un qui relève directement de la psychiatrie. « Ce premier interrogatoire éclaire le gendarme, car tout porte à croire que Francis Holm a quelque chose à se reprocher. Pourtant, et il l'affirme, le 14 mai, il était hospitalisé à Quimper, à 80 km du lieu du crime. Après vérification, Jean-François Abougal doit se rendre à l'évidence. Francis Holm dit vrai. Il est obligé de le relâcher. Mais par acquis de conscience, il décide tout de même de se rendre à l'hôpital pour quelques vérifications. Et il fait bien. Car il apprend que le relevé de température Holm avait sur lui n'est pas une vraie garantie. Non, les aides-soignants laissent régulièrement le soin aux patients de prendre leur température eux-mêmes. Alors, était-il vraiment à l'hôpital lorsque ce relevé a été effectué? Jean-François Abgral découvre également que le lendemain du meurtre sur la plage bretonne, une femme de ménage avait noté la présence de sable dans la chambre de Holm. Cette fois, Jean-François Abgral en est persuadé, il tient son coupable, mais qui pour l'heure s'est volatilisé. Il faut encore 3 mois pour le retrouver. Et cette fois, c'est un coup de téléphone d'une gendarmerie de Meurthe-et-Moselle qui me le met sur la piste. Un certain Francis Holm vient de se présenter pour déclarer la perte de ses papiers. Jean-François Abgral monte alors dans un train direction l'est de la France. Mais l'entrevue ne se passe pas comme prévu. Francis Holm campe sur ses positions. Il sait que les gendarmes n'ont pas de nouveaux éléments pour l'arrêter. Et il ne compte pas se laisser faire. Pourtant, il semble comprendre que l'enquêteur n'est pas dupe. C'est d'ailleurs ce jour-là qu'il lui glisse « Je sais que tu sais ». Un aveu qui n'en est pas un, en tout cas, pas aux yeux de la loi. Donc, encore une fois, le gendarme est contraint de laisser filer Francis Holm, qui s'évanouit dans la nature. Et il faut attendre 2 ans pour que l'enquête se dénoue. Le 26 décembre 1991, un SDF qui se fait appeler le Gaulois est arrêté à Bourges. L'enquêteur le recherche depuis sa dernière rencontre avec Francis Holm, durant laquelle il avait mis ce qu'il qualifie alors de pépin sur le dos de ce dénommé Gaulois. Jean-François Abgral comprendra plus tard que lorsqu'il évoque des pépins, Holm parle en réalité de meurtre. Alors sans hésiter, et alors que sa hiérarchie est de plus en plus réticente à le suivre, le gendarme prend la route en direction de Bourges. L'interrogatoire débute mal. Le Gaulois ne veut rien dire. Selon lui, il n'est même pas allé en Bretagne de sa vie. Mais au bout de plusieurs heures, il finit par craquer. Classique. Voilà, cette fois-ci, je vais tout vous dire. Je me trouvais dans le buisson, juste au-dessus de la plage. Holm est arrivé, il a bu la moitié d'un litre de vin rouge. Il était très énervé. Nous sommes descendus sur la plage, par les rochers, près du buisson. Il y avait une femme qui bronzait là. Elle avait un maillot de bain de pièces. Il s'est dirigé vers elle. Je l'ai suivi à une dizaine de mètres. Holm était comme fou. Je croyais qu'il allait la violer, alors je l'ai suivi pour intervenir. La femme, quand elle l'a vu arriver, s'est assise sur sa serviette. Elle avait peur. Elle lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit « Je vais te sauter ». Elle s'est levée et a grippé Holm. Lui, il a aussitôt saisi au cou. Je ne suis pas intervenu parce qu'il m'a dit méchamment « Pourquoi tu me suis ?» La femme s'est mise à crier et je suis parti en courant. J'ai rejoint la gare. J'ai pris le premier train pour Paris. J'avais peur. Ce témoignage change tout pour Jean-François Abgral. C'est l'élément clé qui lui manquait depuis 2 ans et qui confirme ce dont il était déjà certain, Francis Holm est le meurtrier d'Aline Pérez. Et il sait où le trouver. Il lui a d'ailleurs rendu visite récemment. Oui, Holm vit dans un petit appartement à Birchwiller, près de Strasbourg. Il est arrêté le 7 janvier 1992. La troisième rencontre entre les deux hommes sera la bonne. Et cette fois, il n'est plus question de se défiler. Et Holm l'a bien compris. Là, c'est tout à fait une autre histoire, parce que Holm ne joue plus. Il s'aperçoit que les éléments qui lui sont présentés, à savoir l'identification du témoin qui le met en cause, est en possession des gendarmes. De lui-même, lorsqu'il va consulter l'album photographique que je vais lui montrer, où le fameux Gaulois est présent, il va lui-même me raconter l'histoire en me disant « Mais tu l'as trouvé, celui-là ?» Ben, je vais dire « Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Ben, que c'est moi. Et puis il va expliquer l'histoire, les coups de couteau, par où il s'est sauvé. Il va faire un schéma en expliquant sa position sur la plage, la position de la victime, la position du Gaulois. Quelque chose d'extrêmement précis. Quel couteau il a utilisé. Son alibi nous explique comment il est sorti de l'hôpital, par où il est passé, comment il est revenu. Et il explique l'homicide qu'il a commis à Brest, tout à fait spontanément et en détail, sans jouer. L'affaire est désormais entre les mains du juge d'instruction, mais le gendarme Abgral a une conviction profonde. L'aide-soignante n'est pas la seule victime de Francis Holm. Durant ses interrogatoires, ce dernier évoque à plusieurs reprises des scènes de meurtre dont il aurait été témoin. Souvent délirant, ses propos recèlent pourtant certains éléments étrangement proches de la réalité. Jean-François Abgral décide alors de diffuser un message aux gendarmeries et commissariats de France. Il dresse le portrait de Francis Holm et détaille ce qu'il sait de son parcours. Des enquêteurs de Reims, Bordeaux ou encore Avignon ne tardent pas à le contacter. Tous sont intéressés par le profil et le parcours du tueur d'Aline Pérez. Quelques mois plus tard, Francis Holm est mis en examen dans 3 autres affaires. Au début de l'année 93, les investigations menées par Jean-François Abgral font suffisamment de bruit pour que les responsables parisiens de la gendarmerie nationale lui offrent la possibilité de travailler à plein temps sur le cas Francis Holm. Après tout, il est celui qui le connaît le mieux. Il a réussi à établir une relation avec le tueur. Il est donc le mieux placé pour coordonner les enquêtes qui le concernent. Le gendarme quitte alors Rennes pour s'installer à Rosny-sous-Bois, où se trouve alors l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Et c'est donc depuis la région parisienne qu'il va remonter la trace de Francis Holm. Dans les heures qui suivent son arrivée, Jean-François Abgral diffuse une fiche d'information à tous les postes de police et gendarmerie de France. Holm Francis a probablement commis de nombreux meurtres sur l'ensemble du territoire national. N'agit pas toujours de la même façon, mort donnée par coup de poing, pierre, couteau, étranglement. N'utiliserait pas d'armes à feu. Déshabille ses victimes entièrement ou en partie, qu'il choisit au hasard de ses rencontres. L'effort devra porter sur toutes les traces de passage de l'individu, les affaires de meurtres non solutionnées, les disparitions et découvertes de cadavres. Les renseignements seront transmis avec le nom de code Holm Francis. Jean-François Abgral plonge alors dans le parcours de Francis Holm, retrace sa route grâce aux éléments dont il dispose déjà. Il consulte tous les registres où apparaît son nom. Et il y en a beaucoup. Amende SNCF, contrôle de police, hôpitaux publics, établissements psychiatriques, registres municipaux ou encore foyer Emmaüs, partout où il passe, Holm laisse une trace. Très vite, les gendarmes parviennent à dessiner l'itinéraire du vagabond. Entre 1986 et 1992, Francis Holm a parcouru la France en long, en large et en travers. Il a visité pas moins de 87 départements. Abgral demande ensuite la liste des meurtres non résolus à travers le pays sur une période de 10 ans, entre 1981 et 1991. En tout, ce sont près de 1125 affaires qui ressortent des fichiers informatiques. En superposant la carte des trajets de Holm à celle des meurtres non résolus, Jean-François Abgral et son équipe retiennent finalement une cinquantaine de cas pour lesquels il pourrait être impliqué, Francis Holm. Le gendarme devine alors qu'il est encore loin d'avoir percé tous les secrets de ce Francis Holm. Peu de temps après, l'enquêteur est sollicité par des gendarmes de la région de Metz qui cherchent encore l'assassin de Laurence Guillaume, une jeune femme retrouvée morte dans un champ le 7 mai 1991. C'est vers 13h30 que Laurence, une adolescente de 14 ans, disparue la nuit de mardi à mercredi à Cervigny-les-Sainte-Barbe, près de Metz, a été retrouvée morte poignardée. Son corps a été découvert dans un chemin de terre près de Rugy, situé à 20 km de son village. C'est un jeune de 15 ans qui l'a trouvé dénudé et marqué au visage. Laurence s'était rendue à Metz dans la soirée de mardi pour sortir avec des amis à la foire de mai. Elle les a quittés à 22h30 pour rentrer chez elle à une quinzaine de kilomètres en cyclomoteur. Ses parents inquiets de ne pas l'avoir rentrée ont prévenu police et gendarmerie. C'est le père de la jeune fille qui a retrouvé le cyclomoteur à un kilomètre du village. L'engin était posé sur sa béquille, les clés de contact par terre, un phare cassé et sans compteur. Le corps a été transporté à la morgue pour autopsie qui permettra de déterminer si l'adolescente a subi des sévices sexuels. Jean-François Abgral va alors aider ses collègues à décrypter la personnalité trouble de Francis Holm. Oui, il se perd souvent dans des affabulations rocambolesques, mais il glisse toujours de précieux indices. Si durant les premiers interrogatoires, il nie fermement, il finit toujours par reconnaître son crime. Par exemple, on découvre que le 7 mai 1991, Holm est à la foire de mai à Metz. Il y rencontre un certain Michel et sa cousine, Laurence Guillaume. Ce soir-là, Michel et Francis Holm boivent beaucoup. Le jeune homme se confie à son compagnon de beuverie. Il lui parle de ses vues sur sa cousine. Et lorsque Laurence décide de rentrer chez elle en scooter, les deux hommes commencent à la suivre en voiture. Après une vingtaine de minutes de route, la voiture de Michel percute le deux-roues de Laurence. Il la font monter de force avant de se garer près d'un champ. Là, Michel viole sa cousine. Francis Holm la tue. Les interrogatoires permettent de mettre un nouveau nom sur la liste des victimes de Francis Holm. Mais elle permet aussi de révéler encore un peu plus la personnalité du routard de crime. Jean-François Abgral comprend que Francis Holm agit toujours sans préméditation. Il tue par opportunisme et par pulsion. Il comprend aussi qu'il agit régulièrement avec des complices, souvent des rencontres fortuites. Il comprend enfin que les complices en question sont toujours les auteurs des sévices sexuels. La raison est simple, Francis Holm a la maladie de Klinefelter, autrement dit, il est impuissant. Alors il tue. Mais ça, c'est un crime de sadique, ça. Et pour moi, le sexe, c'est rien. Je suis impuissant. Tu m'avais jamais dit que t'étais impuissant. Ah voilà, je te le dis. À la suite, d'autres enquêteurs continuent de contacter Jean-François Abgral. Un à un, les noms s'ajoutent à la liste des victimes de Francis Holm. Il y a Lionel Gineste, tué en 84 dans des circonstances aux similarités troublantes avec le meurtre de Laurence Guillaume. Puis Georgette Manès et Justine Ponsard à Charleville-Mézières. Et il avoue aussi le meurtre de Joris Viville à Port-Grimaud. Enfin, il reconnaît le meurtre de Jean-Rémy, un retrait de 65 ans qu'il a poussé d'une falaise à Boulogne-sur-Mer. Dans ses affaires, Francis Holm ne dit jamais tout, refusant la plupart du temps de livrer le nom de ses complices, se perdant parfois dans des explications farfelues. Mais les enquêteurs font leur travail et la justice progresse. Au mois de mai 1994, la cellule dirigée par Jean-François Abgral arrête son travail. Si le gendarme fait un dernier tour de France des gendarmeries au commissariat pour tenter de mettre ses collègues sur la piste de Francis Holm, sa mission s'arrête là. Holm est mis en examen pour 8 affaires distinctes. Son marathon judiciaire débute. Francis Holm, le routard du crime, de nouveau jugé à Metz par la cour d'assises de Moselle. Déjà condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une aide-soignante sur une plage de Brest, Francis Holm, soupçonné d'une vingtaine d'autres assassinats, comparé aujourd'hui pour le viol et le meurtre d'une gamine de 14 ans. Et puis le procès de Francis Holm à Draguignan, le routard du crime, déjà deux fois condamné, comparé cette fois pour le meurtre d'un petit Belge de 10 ans, Joris, enlevé près d'un camping de Grimaud en 89. Et revoici un tueur en série devant la justice. Francis Holm a déjà été condamné à deux reprises à perpétuité. Son marathon judiciaire le mènera aujourd'hui et demain devant les assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Il y comparaîtra pour le meurtre d'un sexagénaire en 92 à Boulogne-sur-Mer. Il s'agit du plus ancien dossier criminel de Meurthe-et-Moselle. Demain, devant la cour d'assises de ce département, le tueur en série Francis Holm et Joseph Molins comparaîtront pour viol et meurtre aggravé. Francis Holm comparaîtra à nouveau devant une cour d'assises. Le tueur en série sera jugé aujourd'hui à Metz pour le meurtre d'Annick Maurice. Francis Holm, de retour dans le box des accusés. C'est son 9e procès. Le routard du crime a déjà été condamné 6 fois. Il purge 2 peines de prison à perpétuité. Cette fois, Francis Holm comparaît à Reims devant la cour d'assises. Il doit répondre de 3 meurtres commis dans la région en 88 et 89. Le procès de Francis Holm pour le meurtre de Aline Pérez s'ouvre à la cour d'assises de Quimper au début du mois de janvier 1994. Son premier passage devant la justice est sans appel. Il est condamné à 20 ans de prison. En septembre 1995, c'est la cour d'assises de Metz qui le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Laurence Guillaume. Le 24 mai 1997, il est condamné par la cour d'assises de Draguignan à la prison à vie pour le meurtre du petit Joris Viville, 9 ans. Le 9 septembre 1999, la cour d'assises de Saint-Omer le condamne à 15 ans de prison pour le meurtre de Jean-Rémy, Le 8 décembre 2001, il prend perpétuité pour le meurtre d'Annick Maurice à Metz. Enfin, le 16 décembre 2004, ce sont 30 ans de prison infligés par la cour d'assises de Reims pour l'assassinat de Sylvie Rossi, Ghislaine Ponsard et Georgette Malès. Mais alors que l'on croyait son marathon judiciaire terminé, Francis Holm est de nouveau rattrapé par la justice en 2017. Est-ce le procès qui livrera la vérité? On peut en douter au regard des 30 années qui séparent les faits de ce cinquième procès, celui de Francis Holm pour le meurtre de deux garçons de 8 ans en 86 à Montigny-lès-Metz. Il s'est ouvert ce matin aux assises de la Moselle. Le tueur en série est accusé de les avoir tués à coups de pierre. Il a déjà été condamné 8 fois pour meurtre. Patrick Dils a passé 15 ans en prison pour ce double meurtre avant d'être innocenté. Henri Leclerc a été mis hors de cause au début de l'année. « J'ai commis des meurtres, mais Montigny, ce n'est pas moi », a dit tout à l'heure à la cour Francis Holm. Il a beau clamer son innocence, Francis Holm est reconnu coupable le 17 mai 2017 du meurtre des deux jeunes garçons à Montigny-lès-Metz. Un verdict confirmé en appel un an plus tard, en juin 2018. Son pourvoi en cassation n'y changera rien. Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride south, and 10 innocent people died. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. Can't say that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Francis Holm, dont nous parlons avec notre invité Michel Marie. Bonjour. Bonjour, Fabrice. Journaliste spécialiste du fait divers, vous avez couvert cette affaire pour Détective. Puisque je parle de fait divers, vous avez la passion de ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous fait courir, justement, ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait divers? Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le fait divers. C'est principalement cette analyse du comportement humain quand on peut décortiquer le passage à l'acte criminel. Quand quelqu'un comme vous et moi se retrouve dans un box de cour d'assises, quand je dis comme vous et moi, je me comprends évidemment, quelqu'un qui a fait un parcours, qui a travaillé, qui est pas un voyou, et qui subitement, en quelques fractions de secondes, a pulvérisé sa vie, ce type peut nous ressembler, et je suis toujours très très curieux de voir la façon dont les choses ont déraillé. Dans un cerveau a priori normalement fabriqué, d'un seul coup tout déraille. Et voilà, c'est une des raisons. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait que je me suis passionné pour le fait divers. Mais c'est pas que ça. Le fait divers, c'est aussi le reflet d'une société. On est vraiment au centre des choses quand on travaille sur les faits divers, un peu comme les policiers ou les gendarmes. Je crois qu'on est vite rattrapé par cette espèce de curiosité, mais qui n'est pas une curiosité malsaine. C'est de voir comment ça fonctionne et comment les policiers font leurs investigations, comment ils arrivent à identifier. Là, on va parler d'Abgras, j'imagine. Oui, bien sûr. Ce type est hors norme. Complètement. Cet acharnement, ce besoin d'aller jusqu'au bout du bout, il est unique ou presque unique. Alors, on a parlé du dernier procès, celui de Montigny-lès-Metz, concernant Holm. Alors, c'est surtout, et je ne voudrais pas qu'on passe ça sous silence, quand même, une libération, la fin du calvaire pour ce pauvre Patrick Diels. Martyr, victime d'une abominable erreur judiciaire et de l'acharnement inhumain de la police, de la justice et de ses co-détenus qui l'ont littéralement supplicié. Bon, ça arrive rarement, heureusement, mais je ne vais pas passer sous silence la souffrance de cet homme. Vous avez couvert plusieurs procès de Francis Holm. Qu'est-ce que vous retenez de ce personnage? Alors, la question est très, très ouverte, hein, j'imagine, mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé et peut-être en comparaison avec d'autres personnages dont vous avez couvert les crimes, les exactions. Oui. Francis Holm ne ressemble pas à ses crimes. Francis Holm, quand vous le voyez dans le box de la cour d'assises, on dirait un papy, un poitier édenté, courbé, les cheveux gris, un petit peu de ventre. On a l'impression qu'il dort, qu'il s'intéresse absolument pas. Il assiste au procès de quelqu'un d'autre. Il subit un procès. Et les gens qui l'ont fréquenté, ou en tout cas qui l'ont approché, les témoins, les enquêteurs, décrivent des moments intenses avec lui de colère, où il a les yeux injectés de sang, où il est pris de tremblements quand il évoque la mort de sa mère, quand il voit une jeune fille passer sur un vélo. Il a une pulsion, ce type a une pulsion, et vous l'avez dit tout à l'heure, il est impuissant. Donc sa façon de passer à l'acte, son acte sexuel, c'est de donner la mort en réalité. Ouais. Il y a la mort de sa mère, il y a cette infirmité, ce handicap, effectivement, ça fait beaucoup. Et en face, il y a effectivement ce gendarme, vous le dites à hors norme, mais vous avez raison, monsieur Abgral, parle-moi de ce professionnel. Je pense qu'on peut d'abord le présenter comme archi-professionnel. Non, oui, oui, les mots me manquent pour le qualifier, mais vous parliez de Patrick Diels tout à l'heure. Je veux dire, Patrick Diels, il doit une fière chandelle à Jean-François Abgral. Ben oui. Parce que sans Jean-François Abgral, on n'aurait jamais confondu, ou en tout cas, on n'aurait jamais jugé Francis Holm pour les crimes de Montigny-lès-Metz. Et Patrick Diels aurait terminé sa peine en prison. Il a fait un travail absolument remarquable, Jean-François Abgral. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que il a des bribes d'aveu quand Holm lui dit, entre deux crimes dont il n'est pas saisi, il lui dit « J'ai eu un pépin, il était sur son vélo, des gosses m'ont jeté des pierres, ça se passait le long d'une voie ferrée. » Et Abgral, il voit pas de quoi on parle. Donc il va faire des recherches, une fois qu'il a terminé ses auditions et qu'il a renvoyé Francis Holm à sa place en prison. Et il ne retrouvera pas trace de l'affaire de Montigny-lès-Metz, et pour cause, puisqu'elles ont été effacées du fichier, puisque Patrick Diels avait été condamné. Mais oui. Et ça aurait pu en rester là. Sauf que les avocats de Patrick Diels, dans un pourvoi en cassation, ont entendu parler de du travail de Jean-François Abgral, se rapprochent de lui, et là, le rapprochement est fait, et à partir de ce moment-là, la machine judiciaire va se mettre en route. Alors, toujours concernant le marathon judiciaire de Francis Holm, peut-on imaginer, alors oui, on peut toujours tout imaginer, mais enfin, qu'il se retrouve à nouveau devant la justice dans le futur? Je veux dire qu'on trouve une nouvelle affaire qu'on n'a pas déterrée pour l'instant. Tout est possible. Okay. Tant que il y a des comment dirais-je un service colqué, cela qui s'est installé à Paris, à Nanterre, Oui. Avec un pool de magistrats. Je pense que Francis Holm, on ne sait pas tout de lui, comme on ne sait pas tout de Fourniret, tous ces tueurs en série. Voire de François Vérov. Accessoirement aussi de François Vérov. Le Grélé, hein, c'était l'ancien gendarme et le policier qui a tué plusieurs fois et qui a vécu, je crois, plus de 30 ans tranquillement, sa vie, jusqu'au moment où l'ADN a parlé. Bah oui, le seul élément qu'on avait pour Vérov, c'était son ADN. Ouais. Et comme il était policier, enfin, il était gendarme d'abord, puis policier ensuite, c'est vrai que c'est pas les premiers qu'on contrôle dans une enquête criminelle. Mais c'est bien de rappeler qu'il existe en France un pôle Cold Case, hein, qui enquête sur d'éventuels crimes qu'on n'aurait pas encore découverts dans le parcours d'un ou d'une serial killer. On se retrouve dans Michel Marie dans 3 minutes, le temps d'écouter Dominique A. Les vagues et les regrets. Vois où la flamboyance se mène et tous les records explosés. On a congédié les sirènes qui va monter dans la fusée. Des traînées blanches dans un ciel qu'on ne pourra pas remplacer. Prenons place dans la nacelle, regardons passer la fusée. Par en dessous, si on savait combien de vagues et de regrets. Voilà qu'au bord du crépuscule, sorti d'immeubles ou d'entrepôts, des corps agités se bousculent tout autour de tables de jeu. Ils questionnent tous les possibles, les cartes flambent dans leurs yeux. De regarder les autres vivre vous ôte parfois tous les mots. Derrière tout ça, si on savait combien de vagues et de regrets. Pourtant chaque jour c'est un miracle, l'aube accepte de se lever. Tant de raisons de n'en rien faire, rien qu'à nous voir nous activer. Que des brumes providentielles fassent de nous des innocents. Il n'est pas d'affaires humaines qui ne rendent grâce au paravent. Par en dessous, si on savait combien de vagues et de regrets. Affaires sensibles sur France Inter. Michel Marie, on l'évoque dans le récit, Jean-François Abgral a vraiment persévéré dans son enquête et au bout d'un moment, contre l'avis de sa hiérarchie, c'était vraiment une quête solitaire. Il est arrivé à un moment où c'était une quête solitaire. Si vous voulez, le comportement de Jean-François Abgral a porté ses fruits, a apporté des résultats. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas d'enquêteurs acharnés. Et je pense que sa hiérarchie l'a pris pour un illuminé qui se sentait investi d'une mission extraordinaire. Et comme on ne voyait pas le résultat arriver, je pense qu'on a essayé de le freiner en disant il faut qu'il se calme, il va nous faire une bêtise. La suite leur a donné tort, tant mieux. En fait, Abgral, je crois qu'il avait compris l'attitude, le dialogue qu'il fallait avoir avec Francis Holm. Il a un espèce de décodeur qui lui permet de rentrer en relation avec Francis Holm, ce qui n'était pas le cas des autres enquêteurs. Et c'est comme ça, finalement, qu'il a réussi à aller jusqu'au bout et à obtenir les confidences de Francis Holm. Vous avez assisté à plusieurs procès parmi les procès de Holm. Qu'est-ce qui a apporté, parce que j'imagine que Abgral a porté beaucoup de lumière à la cour d'assises. Surtout dans le dernier procès, celui de Montigny-lès-Metz, où le policier Patrice ou Patrick Varlet était revenu à la barre, confirmer son travail. Il voulait pas se dédire, il ne voulait pas reconnaître qu'il avait pu se tromper. Donc il est venu expliquer que pour lui le coupable c'était Patrick Diels et que ce procès était une mascarade judiciaire. Et donc, évidemment, on attendait beaucoup de François Abgral. Il est venu, il a remis un peu d'ordre dans tout ce foutoir, et tant mieux. Mais on a refait un peu aussi le procès de Patrick Diels à cause de ça. D'ailleurs, les parents des victimes, faut se mettre à leur place, ils sont pas juristes, ils sont juste écorchés par ce qui est arrivé à leurs enfants. On leur a désigné un coupable à deux reprises, j'évoque les deux premiers procès de Patrick Diels, avant de finalement l'acquitter en troisième, lors d'un troisième procès. Puis maintenant, on leur sort de sous le chapeau Francis Holm en disant non, finalement, c'est pas Patrick Diels, c'est Francis Holm. Pour des gens qui ne connaissent pas le système judiciaire, c'est très compliqué. C'est-à-dire que pendant des années, ils se sont convaincus que c'était Patrick Diels, et puis d'un seul coup, on leur dit que c'est plus ça. Bon, donc, François Abgral est venu mettre un petit peu d'humanité dans tout ça. Et puis, il faut reconnaître quand même une chose, c'est que dans le dossier, il n'y avait rien, à part quelques petites bribes, pour accrocher, comme on dit en jargon judiciaire, Francis Holm. Les scellés ont été détruits après le procès de Patrick Diels, c'est-à-dire les pierres où on aurait pu retrouver l'ADN de Francis Holm, elles ont été détruites. Les vêtements que portaient les gosses lorsqu'ils ont été tués ont été détruits. Il y avait de l'ADN sur ces vêtements, forcément. Sûr. Or, à partir du moment où on a jugé définitivement Patrick Diels, les scellés ont été brûlés. Donc le procureur de la République, c'est-à-dire l'avocat général de la cour d'assises de Metz, quand il a requis contre Francis Holm, il était un petit peu embêté. D'ailleurs, j'avais retrouvé un passage de... Il dit « L'absence d'aveu ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. » Donc quand un avocat général vous dit ça, déjà ça commence pas bien. Il dit simplement « C'est lui qui en premier en parle alors qu'on ne lui demande rien. » Ça, c'est vrai. C'est vrai que à aucun moment, Jean-François Abgral savait qu'il avait en face de lui le tueur des enfants de Montigny-les-Metz. Et je ne sais plus en quelle année, mais en 92 ou en 80, oui, il me semble que c'est 92, lorsqu'il a cette phrase en disant « j'ai eu un petit pépin sur le long d'une voie ferrée avec des gosses qui m'ont jeté les pierres », Jean-François Abgral, il ne sait pas de quoi on parle. Donc, si ce jour-là, Francis Holm n'avait rien dit, il n'y aurait jamais eu de procès. Donc Abgral a eu de la chance sur ce coup-là, mais il l'a bien mérité. Hein. Bien sûr. Et la chance entre toujours en ligne de compte quand on arrive à résoudre une affaire, ce qui n'est pas le cas de l'affaire Grégory. J'en parle parce que je tiens entre mes mains un livre que vous avez co-signé, co-écrit avec Christophe Guerra, Sophie Novakovic et Julie Rigoulet. Alors, le sous-titre, c'est « La véritable enquête, les secrets de l'affaire », parce que les autres enquêtes n'étaient pas véritables. Si, mais c'est un peu vendeur, c'est tout. Celle-là est plus complète. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Deux points. Allez, on va pas faire le catalogue, mais. Vous dites que cette affaire n'a pas été élucidée. Elle l'est partiellement. Ouais. Il y a eu plein de rebondissements ces dernières années. Et malheureusement, on est tard dans cette affaire. Beaucoup de témoins sont morts et je pense qu'on s'arrêtera là. Mais en tout cas, ce livre est passionnant, je vous conseille de le lire. Et ça reste, on dit, hein, ça reste le plus grand fait divers de l'après-guerre, celui qui a le plus marqué, si tant est qu'il faille faire une hiérarchie, mais ça se dit beaucoup. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Francis Holm, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.